De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, Valérie Levé est au micro et nous poursuivons l'émission sur le thème de la pensée critique ou comment évaluer la valeur d'une information, comment juger de sa véracité. C'est un vaste sujet et pour nous en parler, j'ai invité Anthony Bertrand-Grenier. Il est docteur en physique médicale, ce qui a priori ne fait pas de lui un expert de la pensée critique, mais il fait aussi un doctorat en épistémologie et c'est dans ce cadre qu'il s'intéresse à la pensée critique. Alors cet automne, Anthony Bertrand-Grenier a publié un livre qui s'intitule Guide ultime pour distinguer le vrai du faux, recueil intégral de la pensée critique. C'est aux éditions Presse du Méridien et c'est donc avec lui, avec Anthony Bertrand-Grenier, que nous allons plonger dans la pensée critique. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors Anthony, la pensée critique, c'est quand même un vaste sujet. Comment on pourrait définir ce qu'est la pensée critique? C'est vrai qu'il n'y a pas de consensus sur la définition en tant que telle, même parmi les experts, mais on s'entend pour dire que c'est comme un filtre de la pensée pour distinguer le vrai du faux, dans le sens que ça nous aide à prendre des meilleures décisions. Donc, en gros, la pensée critique, c'est quoi croire et quoi faire et jusqu'à quel point on doit chercher des informations pour être en mesure de prendre une bonne décision, si je résume. Donc c'est quand même un gros défi, c'est un sacré contrat quand on reçoit une information de faire d'exercer ce filtre. Peut-être que pour appliquer la pensée critique sur une information, bah, la première chose à faire, c'est d'examiner la nature de cette information. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un témoignage, une anecdote personnelle, un article de presse, un article scientifique? Donc il y a toute une gamme d'informations. Est-ce que déjà en analysant la nature de cette information, on peut déjà se donner un petit aperçu de la valeur de l'information. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. On peut voir comme une échelle de fiabilité des sources d'information. Donc, on parle, si on en nomme seulement trois, témoignages, expériences personnelles et études scientifiques, ben, le témoignage, je dirais que c'est le moins fiable des trois parce que la personne devant nous peut se tromper ou elle peut même nous tromper. Elle peut avoir des biais, ça ne veut pas dire qu'elle nous ment nécessairement. L'anecdote personnelle, nous aussi, on peut se tromper, aussi étrange que ça puisse paraître, parce que par exemple, si j'ai mal à la tête et que je prends une tisane et ensuite j'ai plus mal à la tête, je peux penser que c'est la tisane qui a fait en sorte que j'ai arrêté d'avoir mal à la tête. Mais malheureusement, ça prend une étude scientifique qui est bien au-dessus de ma propre expérience personnelle pour savoir si c'est vraiment la tisane qui m'a aidé. Donc, on va prendre, par exemple, 50 personnes, lorsqu'ils ont mal à la tête, ils vont prendre la tisane, 50 personnes qui vont prendre un placebo et 50 personnes qui vont rien prendre et on va faire des comparatifs. Et là, on va être capable de voir si la tisane est vraiment significative pour guérir le mal de tête, si on peut dire. Donc, c'est pour ça que c'est étrange à dire, mais l'expérience personnelle n'est pas aussi valable que la science. Ben en fait, si notre expérience personnelle était vraiment fiable, on n'aurait pas besoin de la science. Donc oui, effectivement, on a une échelle de fiabilité de sources d'information et la science est au-dessus de nous. C'est un peu dommage à dire, mais elle est au-dessus de nous, de notre propre expérience personnelle. Et le témoignage est en dessous parce que on a un intermédiaire supplémentaire parce qu'on ne sait pas si la personne a bien vu, a bien réalisé qu'est-ce qu'elle a eu. Voilà. Ouais, puis même quand on parle de la science, bah, il y a les études scientifiques et puis il y a le consensus scientifique qui est comme un aboutissement, si on pourrait dire. Oui, absolument. Le consensus scientifique, c'est la plus haute sphère de preuve, si on pourrait dire, la plus haute échelle, parce que là, ce que ça veut dire, c'est que toutes les données pointent dans cette direction-là et que pour le moment, on semble pas avoir de contradiction de données qui pointent dans une autre direction que le consensus, que ce soit la théorie de l'évolution, le réchauffement climatique, que les vaccins sont efficaces. On a vraiment un très haut consensus, sur ce sujet-là. Donc, on a beaucoup de données qui pointent dans cette direction-là. Donc là, on a regardé la nature de l'information, mais après, il faut aussi regarder qui émet, quelle est la personne qui émet cette information. Est-ce qu'il sait de quoi il parle, il ou elle parle? Comment savoir finalement si on peut se fier à cette personne-là? Autrement dit, il faut savoir reconnaître si la personne est experte de ce dont elle parle. Oui, exact. En fait, c'est une excellente question. Je dirais déjà seulement se poser la question, comment reconnaître un expert dans un domaine lorsque nous-mêmes, on ne s'y connaît pas dans le domaine? C'est excellent. C'est déjà un bon point de départ. Bon, dans mon livre, je donne une douzaine de techniques. Là. Je vais en donner quelques-unes. La première, la plus facile, c'est la comparaison. Donc, c'est aller voir qu'est-ce que d'autres experts disent. Si, admettons, on a un problème avec notre voiture, puis on va au garage et le mécanicien dit, ah, il faut changer les freins. Ben, on peut aller changer de garage, on peut aller voir d'autres mécaniciens, voir qu'est-ce que eux en pensent. T'sais, si nous, on ne s'y connaît pas en mécanique de voiture, on peut voir, puis si jamais on voit que les cinq mécaniciens disent qu'il faut changer les freins, ben, je pense qu'il faut effectivement changer les freins. Le Il y a un premier était pas. consensus. Il y a un consensus et le premier n'était pas malhonnête, puis il ne voulait pas faire de l'argent sur notre dos nécessairement. Une autre façon, c'est la reconnaissance. Si la profession nécessite un diplôme, ben, il est préférable d'écouter ceux qui ont le diplôme. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas le diplôme s'y connaissent pas, mais c'est préférable d'écouter ceux qui ont le diplôme. Par exemple, si quelqu'un nous donne des conseils sur notre animal de compagnie, notre chat, notre chien, ben, on est quand même mieux d'écouter un vétérinaire plutôt qu'une personne qui n'a pas nécessairement les diplômes. Comme je dis, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'y connaît pas, mais par contre, plus le diplôme est long à acquérir, plus les connaissances sont larges, ben, plus lorsque la personne n'a pas le diplôme, ça se peut qu'elle se trompe quand même. Comme par exemple un vétérinaire qui est 5 ans d'université ou même un virologue pour la spécialiste des vaccins qui est 10 ans d'université, ben, quelqu'un qui n'a pas d'études sur les vaccins, ben, peut-être qu'il ne s'y connaît pas. Donc, c'est peut-être mieux d'écouter un virologue. Un Après, autre. ça peut pas, on peut pas non plus écarter des fois qu'il y a des spécialistes qui nous trompent quand même. On en a vu Oui, dans tout à fait. Des faux l'histoire. Ça spécialistes, peut, là, il y mais c'est a. vrai qu'il y a une certaine probabilité pour que le spécialiste sache de quoi il parle par rapport à quelqu'un qui n'a pas étudié dans le domaine. Et je dirais, il faudrait faire attention aux titres que des gens se donnent qui ne veulent rien dire. Le terme coach est souvent Ah. utilisé, mais coach, ça veut malheureusement rien dire. Ce que je veux dire, c'est que coach, c'est quelqu'un qui donne des conseils dans un domaine où lui-même n'a pas nécessairement de diplôme dans le domaine. Mais ce que je veux dire, c'est que coach n'est pas encadré. C'est pas un ordre professionnel. Donc, il faudrait juste faire attention parce que quelqu'un qui est coach en nutrition, très généralement, il n'est pas nutritionniste. Donc, il n'a pas le diplôme parce que sinon, il se serait appelé nutritionniste. Enfin, ça, c'est des titres quelconques. Un autre exemple, les antécédents, on peut aller voir les interventions passées ou les prédictions futures du prétendu expert devant nous, là. Donc, maintenant, on a des avis Facebook, Google. On peut contacter d'anciens clients. Si vous engagez un jardinier pour vos arbres et tout ça, vous pouvez aller voir peut-être sur son site, sur Google, s'il y a des gens qui ont commenté sur ce qu'il a fait. Puis si ça fait 20 ans qu'il fait ça en plus, ben, il devrait en avoir beaucoup d'avis plutôt que seulement deux ou trois. La dernière que je donnerais, c'est la connaissance. On peut poser des questions auxquelles nous connaissons les réponses. Tu sais, c'est pas parce qu'on n'est pas expert qu'on n'a pas quelques petites connaissances dans le domaine. Je suis capable de me dire que la table qui est à côté de moi, c'est une table, c'est pas une voiture. Ben, si, par exemple, l'expert nous dit une fausseté qui n'a pas d'allure, ben là, on peut se poser des questions sur son expertise. Ça m'est arrivé avec une comptable, j'ai posé trois questions. Et je me suis dit, si elle répond bien à ces trois questions-là, super, c'est une bonne comptable. Puis elle a bien répondu. Je me dis, bon, ben, je peux lui faire confiance, mais c'est des questions que je connaissais les réponses. Donc, si, admettons, quelqu'un se prétend expert en astrophysique, puis il dit que le Big Bang, c'est le début de l'univers, et malheureusement, ce n'est pas nécessairement le début de l'univers. On ne le sait pas. C'est une frontière spatio-temporelle qu'on n'arrive pas à voir au-delà de cette frontière-là. Ou quelqu'un qui me dit que l'énergie, c'est une aura qu'on dégage qui nous permet de ressentir les vibrations magnétiques des autres puis d'influencer le monde qui nous entoure. Ben moi, en tant que physicien, je vais dire non, l'énergie, c'est la capacité d'un système à pouvoir réaliser un travail. Donc, tu sais, il y a des petites connaissances qu'on peut avoir. Puis même, n'empêche, on peut tenter d'acquérir certaines connaissances avant d'aller parler à l'expert. Et on vérifie si l'expert a bien répondu. Donc, ça nous donne déjà des outils là, pour exercer notre pensée critique sur la nature de l'information, sur qui propose, qui donne cette information. Mais ensuite, bah, il faut examiner l'information elle-même. Donc, qu'est-ce que la personne dit? C'est quoi la nature? Quelle est cette information elle-même? Et là, est-ce qu'il y a des outils de base pour juger de la valeur d'une information? Donc, dans votre livre, Anthony, vous présentez quelques outils comme la balance de Sagan, le rasoir d'Occam. C'est vraiment une partie très intéressante d'ailleurs de votre livre, tous ces outils. J'aimerais que vous nous en expliquiez quelques-uns. Oui, bien sûr. La balance de Sagan, je dirais vraiment, même c'est pour moi une des plus importantes parce que c'est la personne qui fait une affirmation doit avoir des données qui pèsent aussi lourd que son affirmation. Donc, Admettons, si je vous dis que j'ai vu un chat ce matin, ben, mon témoignage peut être suffisant parce qu'un chat, c'est assez simple, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Si je vous dis que j'ai vu un lion, ben là, il va falloir un petit peu plus qu'un témoignage. Ouais. Vous allez me dire, ah, Anthony, est-ce qu'il y a un zoo dans le coin? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Puis si je vous dis que j'ai vu une licorne et je vous amène une vidéo, ben même la vidéo ne sera pas suffisante, puis vous aurez raison, là. Donc, c'est pour ça que si quelqu'un nous dit que son élixir est capable de guérir les cancers, puis elle dit qu'elle a 5 témoignages de personnes que ça a fonctionné, ben désolé, mais 5 témoignages, c'est loin d'être suffisant pour dire qu'un élixir peut guérir le cancer. Il faut beaucoup d'études en double aveugle pour ça. Donc, la balance de Sagan est vraiment bien. On a parlé de rasoir d'Occam. Ça, c'est, il faut pas multiplier les entités sans nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si on a à choisir une hypothèse, commençons d'abord par la plus simple. Donc, admettons, si on entend un bruit la nuit, qu'on est dans notre lit, on peut se dire que c'est le vent, le tonnerre ou justement un chat qui a fait tomber quelque chose, plutôt qu'un fantôme. Parce qu'un fantôme, c'est extraordinaire. Ça n'a jamais été prouvé encore. Donc, aussi bien commencer par se dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus probable. Puis, il y a des exemples même de tous les jours. Moi qui travaille CIUS Mauricie-Centre du Québec, si un médecin voit un patient avec 3 symptômes, bien, il est préférable qu'il commence à se dire que c'est une seule maladie qui provoque les 3 symptômes. Si jamais ce n'est pas le cas en faisant des tests, bien là, il va changer d'avis et va se dire, OK, c'est peut-être 2 maladies qui font les 3 symptômes. Il y en a qui ont parlé des pyramides d'Égypte qui ont été construites par des extraterrestres en disant que c'est invraisemblable que des humains ont construit les pyramides. Bien, avec le rasoir d'Occam, on pourrait dire que c'est encore plus invraisemblable que des extraterrestres aient construit les pyramides. Donc, aussi bien commencer par se dire que c'est des humains et on verra si jamais on a des preuves que c'est des extraterrestres, on changera d'avis, mais pour le moment, ça semble vraiment pas être le cas. Un autre outil, le principe de Fontenelle, il faut d'abord mettre en évidence un phénomène avant d'en rechercher les causes. Si, admettons, quelqu'un nous dit pourquoi y a-t-il plus de naissances lors de pleine lune? Eh bien, il faudrait d'abord vérifier qu'il y a plus de naissances lors de pleine lune. Et pour le moment, c'est pas le cas. Ou quelqu'un qui nous dit quelle est l'origine de l'univers? Ben, il faudrait d'abord vérifier que l'univers a une origine. Je dirais que c'est le gros problème du paranormal. Le principe de Fontenelle, il vient contredire un peu le paranormal parce que le paranormal, c'est ce qui n'a pas été prouvé encore. Tu sais, si je parle justement des fantômes, des anges, le Yeti, les démons, le monstre du Loch Ness, sont paranormales parce qu'ils ne sont pas prouvés comme vrais encore. Il y a des espèces encore plus impressionnantes qui ne sont pas paranormales, mais qui existent. Il y a une méduse qui est capable de rajeunir. Donc, elle est théoriquement éternelle, mais elle n'est pas paranormale parce qu'elle existe. Il y a un reptile qui est capable de se nourrir par photosynthèse, par le soleil. Mais il n'est pas paranormal parce qu'il existe. Donc, c'est un peu bizarre de dire que le principe de Fontenelle aide à, disons, parler du paranormal. Puis le dernier que je pourrais parler, c'est le critère de réfutabilité de Popper, quatrième outil. Une proposition irréfutable n'est pas recevable. Si quelqu'un nous dit, par exemple, ah, oh, si tu travailles assez fort, tu vas devenir milliardaire. En fait, c'est irréfutable. Parce que si on ne devient pas milliardaire, il va toujours pouvoir nous dire qu'on n'a pas travaillé assez fort. Il y avait une secte au Japon que le gourou mentionnait, si vous travaillez assez fort, vous serez capable de léviter dans les airs. Mais chaque fois que quelqu'un échouait, il disait, c'est parce que tu n'as pas travaillé assez fort. Donc, c'est irréfutable, parce que peu importe ce qu'on dit. Un autre exemple, c'est la prière. Si tu pries assez fort, ça va fonctionner. Donc là, si jamais ça ne fonctionne pas, ben on dit, ah, c'est parce que tu n'as pas prié assez fort. Même chose pour croire. Il y en a qui vont dire, si tu y crois assez, ça va marcher. Mais la croyance n'a pas de lien avec la vérité. J'aurais beau croire de toutes mes forces que 2 plus 2 donne 5, ça va donner 4 pareils. Donc, je dirais, c'est 4 outils de pensée critique. Là. Il y en a un peu plus d'une dizaine là, dans le livre, là. Mais 4 outils qui peuvent être bien utiles là, dans la vie de tous les jours pour les informations. Oui, puis ceux-là, ils sont quand même assez faciles à appliquer. Des fois, bon, juger un expert, il faut avoir cette propre. Bon, c'est difficile d'aller chez 5 garagistes, c'est difficile d'aller consulter 5 médecins. Puis des fois, on n'a pas forcément les connaissances pour évaluer les connaissances de la personne, ou nos propres connaissances peuvent être elles-mêmes déjà biaisées sans qu'on le sache. Donc des fois, c'est pas toujours évident. Mais là, ces différents outils que vous proposez dans votre livre, je trouve ça vraiment pertinent. C'est presque un jeu, en fait, d'essayer de les appliquer. Oui, tout à fait. En fait, je dirais, s'il y en a qui ont de la difficulté, prenez un outil, utilisez-le pendant 2 ou 3 semaines, juste voir, puis à chaque information un petit peu plus extraordinaire, vous dites, ah, je vais vérifier avec cet outil de pensée critique, par exemple, la balance de Sagan, et ça peut être bien utile. Ça peut être bien utile. Exactement. Alors ensuite, donc là, on a vu la nature de l'information, qui donne cette information, quelques outils pour juger de l'information elle-même. Mais c'est quand même un examen qui est assez difficile à faire, hein. On dirait que, parce qu'on a tendance à être un peu On veut aller vite, on veut aller à l'information, on veut prendre l'information telle quelle. Et donc, faire cette analyse de l'information, ça demande quand même une certaine prédisposition d'esprit. Quelles seraient les habiletés pour faire cette analyse de l'information? Est-ce qu'il faut être curieux, par exemple, pour aller Oui, au-delà de tout nos à fait. propres Oui, tout connaissances? à fait. Il y a, je nomme une dizaine d'habiletés de penseurs critiques, si je peux dire, mais oui, tout à fait. La curiosité en fait partie. Dans le fond, c'est acquérir des nouvelles informations. Et ça, c'est une bonne question à se poser, c'est jusqu'à quel point devons-nous acquérir des connaissances avant de prendre une décision? Évidemment, si on fait juste croire la personne devant nous directement et c'est extraordinaire, peu importe, un rénovateur qui vient et il dit oui, je vais te réparer ton toit pour 25 000 $, on dit ouf, c'est quand même cher. C'est une bonne décision. Ou acheter une maison, c'est toute une décision. Donc, jusqu'à quel point on doit acquérir des connaissances avant de prendre des décisions? Mais dans le fond, c'est on doit chercher des informations supplémentaires lorsque l'utilité attendue des nouvelles informations est supérieure aux preuves qu'on a déjà acquises. Ce que ça veut dire, c'est que, admettons, que lorsque j'acquiers des informations, ça ne me donne pas tant plus, ça ne change pas tant mon résultat que ce que je pense pour ce qui est de la décision que je vais prendre. Donc, si je vois que plus j'acquiers des informations et ça ne change plus grand-chose, ben là, je peux arrêter de chercher. Mais quand je vois qu'il y a des nouvelles informations que je n'avais pas pensées, là, oh, on peut continuer de chercher. Et je dirais, ça a un énorme lien avec l'impact de la décision en tant que telle. Donc, plus l'impact de la proposition est élevé, mais plus il est nécessaire d'acquérir des informations fiables. Donc, si, admettons, je dois choisir un gilet pour m'habiller le matin, ben, à moins d'être à une soirée quelconque importante, j'ai pas nécessairement besoin de prendre plus que quelques minutes. Mais si on croit, par exemple, que l'acupuncture avec du jus de fruits va guérir notre cancer, ben là, on est mieux d'aller voir au moins des études scientifiques sur le sujet. J'ai donné un exemple pour acheter une maison, ben on est mieux d'aller la visiter. J'ai déjà vu quelqu'un qui n'a pas visité de maison avant d'en acheter une. Ouh, il me semble l'impact aurait été un petit peu élevé. J'avais vu un exemple durant la COVID aux Pays-Bas. Il y a des produits qui étaient vendus pour censés protéger les gens contre la 5G, alors que les produits étaient radioactifs. Ouf, c'était des colliers, des bracelets. Donc, ça émettait des ondes dangereuses en prétendant que ça protégeait contre des ondes qui ne sont pas nécessairement dangereuses. Enfin, je dirais une troisième habileté qui, à mon avis, serait quand même importante, c'est la cohérence. On peut voir ça comme l'application de la balance de Sagan. Ce que je veux dire, c'est que notre preuve doit être proportionnelle à la complexité et l'extraordinarité de la proposition elle-même. Dans le sens où, si, admettons, on voit un magicien qui fait un tour de magie en se disant qu'il y a un truc, mais ensuite on voit un télépathe qui est capable de plier une cuillère, puis on se dit, oh, il est capable de faire de la télékinésie. Ben, en fait, ce n'est pas cohérent parce qu'il faut se dire que si l'un a un truc, ben, probablement que l'autre aussi a un truc. C'est juste qu'on ne le connaît pas. Donc, pour être cohérent, il faudrait ça. Si quelqu'un nous dit qu'il ne croit pas aux soucoupes volantes parce que les seules preuves qu'on a des soucoupes volantes, c'est des témoignages, mais qu'il croit en une vie après la mort, justement parce qu'il y a des témoignages de gens qui seraient supposément revenus vers l'au-delà, ben c'est encore pas cohérent. C'est deux propositions qui sont complexes et extraordinaires. Donc, pour être cohérent, il faut qu'il dépasse le témoignage. Ou qui utilise dans les deux cas le témoignage, mais je préférerais que ce serait mieux de monter dans l'échelle de fiabilité des sources d'information. Exact. Si quelqu'un dit que l'ostéopathie fonctionne par son expérience personnelle, ben en fait, il doit considérer que toutes les autres thérapies alternatives fonctionnent aussi par l'expérience personnelle des autres personnes. Et très souvent, on va se rendre compte que ce n'est pas cohérent parce qu'il y a des gens que ça peut fonctionner, des gens que ça peut ne pas fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la science pour répondre à ça. Donc, notre expérience personnelle n'est pas suffisante, malheureusement, pour ça. J'avais vu un humoriste qui avait mentionné quelque chose de semblable, mais si tu n'as pas besoin de preuves pour dire qu'une divinité infiniment puissante a créé le monde, mais que tu as besoin de goûter à ton pâté qui a été 1 heure dans le four pour t'assurer qu'il est bien chaud, ben, ce n'est pas nécessairement cohérent. Il faudrait que les preuves soient proportionnelles à ton affirmation. Mais bon, si tu veux y croire, tu peux y croire. Mais la cohérence est quand même importante pour, disons, prendre des meilleures décisions dans nos vies. Donc voilà les bonnes prédispositions d'esprit pour appliquer cette pensée critique. On voit que c'est quand même assez complet justement. Et on n'a pas forcément le réflexe hein, d'appliquer toutes ces pensées de la pensée critique. Par paresse, on a tendance à faire l'économie de la pensée critique. Mais ce qui est bien, par contre, c'est que quand on écoute les informations, les nouvelles, l'actualité, ça nous donne continuellement matière à nous entraîner à exercer cette pensée critique. On prend un élément d'information et puis on peut faire l'exercice de regarder c'est quoi la nature de l'information, qui donne l'information, est-ce qu'il y a des outils, le rasoir d'Occam, etc. à appliquer. Donc Absolument. on a sans cesse, au quotidien, on a sans cesse matière à faire l'exercice de cette pensée critique finalement. Oui, absolument. Et si jamais il y a des gens qui se disent qu'ils ont de la difficulté à appliquer la pensée critique, faites juste vous dire que tous les jours de l'année sont un poisson d'avril. Donc, un 1er avril, déjà, quand on est un 1er avril, on est un petit peu plus sceptique pour des C'est vrai. propositions extraordinaires. Donc, déjà, si on se dit qu'on est un 1er avril à tous les jours de l'année, ben là, on va se dire, ah, comment ça se fait que telle chose est arrivée, tel événement est arrivé. On va quand même vérifier. Mais si jamais il y a des gens qui veulent appliquer la pensée critique en 5 minutes, je vous dirais, un, chercher le plus haut niveau de preuve, là, la petite fiabilité de source d'information, donc évidemment la science, le consensus scientifique en haut. Deux, chercher des sources concordantes et indépendantes. Et remonter à la première source. Donc, si, admettons, vous avez voyé un article dans le journal qui affirme quelque chose, si jamais il ne donne aucune référence, ben la référence, c'est seulement l'article dans le journal. Donc, il faut aller voir les références s'il les donne. Donc, je vous dirais trois petites façons rapides en 5 minutes, si je peux dire, d'appliquer la pensée critique un petit peu plus facilement, si on peut dire. Et puis bien sûr, pour en apprendre davantage, eh bien, je recommande donc la lecture de ce livre qui traite aussi des biais cognitifs, des techniques de persuasion et autres outils pour savoir comment et quoi croire. Donc ce livre, Guide ultime pour distinguer le vrai du faux, recueil intégral de la pensée critique par Anthony Bertrand-Grenier. Merci beaucoup, Anthony. Merci Valérie. Alors ainsi se termine Futur Simple et nous passons maintenant le micro à Calypso le Moine qui va vous accompagner avec En aparté sur les ondes de CKRL 89.1. Pense à vous. chanson des vals. Tant je suis ave, épouvantable et pâle, voyant mes sens par la mort se muer, voyant mes sens par la mort se muer. Et toutefois je me plais en ma braise, d'un même mal l'un et l'autre bien aise, moi de mourir et vous de me tuer, moi de mourir et vous de